J'ai terriblement horreur de me présenter. Mais je m'appelle Antoinette. Ouais, je suis artiste peintre et terriblement indépendante. Je ne supporte pas beaucoup les pressions sociales. J'ai 67 ans, j'ai une famille assez importante qui compte assez fort pour moi, mais dont j'essaye quand même de rester plus ou moins Est-ce indépendante. que tu as un combat idéologique particulier, quelque Alors, chose qui y a te... une chose auquel je suis farouchement opposée, c'est à l'anthropocentrisme. Je suis en ce sens-là animal, végétal, intégré dans un monde beaucoup plus naturel que celui d'aujourd'hui. Je bondis aussi contre les réactions racistes, les réactions. Enfin, je suis infiniment. Je prône la tolérance. C'est vraiment une chose qui me semble importante, mais la tolérance même envers les bêtes et les plantes, quoi. Les gens, les bêtes, les plantes, voilà. Et toi, comment tu prends part à ce combat-là? Alors moi. Concrètement ou Moi, pas que? concrètement, je suis quand même assez peu proactive. Donc, j'essaye de. Oui, j'essaie d'avoir un impact le moins important possible sur mon environnement. Ça, c'est une chose qui est absolument impossible à appliquer de manière puriste, je vais dire. Concrètement, par exemple. Concrètement, ben, je chauffe peu, je me nourris de choses plutôt naturelles, je circule surtout en transport en commun, je fonctionne, comment je dirais encore moi, j'achète le moins possible de choses consuméristes, je vais dire. Je me limite à l'essentiel de ce dont je considère que j'ai Comment ça besoin. t'est venu cette idée-là, enfin cette conscience-là, cette importance-là par rapport à ça, à l'environnement, au non-humain, Je etc. pense que les premiers souvenirs que j'ai de moi, c'est coucher dans l'herbe, occupé à respirer l'herbe avec énormément de bonheur et à regarder les insectes qui passaient en criant quand quelqu'un mettait le pied sur un scarabée ou un truc pareil, quoi. Donc je pense que c'est un respect naturel de la vie que j'ai depuis la naissance, quoi. Ça, je pense. Et si on te donnait ou tu recevais ou tu pouvais créer toi-même un nouveau territoire, un monde, à quoi il ressemblerait? Je pense qu'il serait beaucoup plus axé sur la nature et sur le chose. Je voudrais un monde où. Bon, je ne suis pas convaincue que j'utiliserais les systèmes. Que je voudrais que dans ce monde, il y ait une économie de marché et des choses de ce genre-là. Je ne voudrais pas de système informatique et de choses. Je voudrais. Finalement, je suis encore. Je pense que le monde idéal pour moi est vécu encore par certains Indiens d'Amazonie, par certains Pygmées en Afrique et par certains. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que des Papous en Nouvelle-Zélande ou des trucs pareils, quoi. Voilà. Quelle est ta peur? De quoi as-tu peur? J'ai terriblement peur de la destruction je suis terriblement climato-anxieuse. Terriblement. Ok. Et quel serait ton message si tu avais un message court, bref et précis au monde? J'ai envie de parler en wallon. Rastreint, quoi. limite, quoi. Essaye de faire beaucoup plus. Essaye d'en faire moins, quoi. Pourquoi est-ce que les gens font tellement tout le temps, dans tous les sens? Enfin, paisible, paix mes agneaux. Un truc du genre. Allez-y, mollo, ralentissez. Je suis Jean-François Tempels, né le 9 octobre 1947 à Arlon, dans le Luxembourg belge. Voilà, je suis actuellement célibataire. Ok. Est-ce que tu as un combat idéologique ? Oui. Oui, la méfiance et je suis reluctant au système du libre marché. Anarchique tel qu'il existe. Je trouve que ça a créé beaucoup d'injustices, le free trade, et donc j'ai écrit là-dessus toute une série d'éléments négatifs que ça apporte, plus que d'éléments positifs. Mmh. C'est un appauvrissement par substitution. Voilà. Et donc je refuse le dualisme, protectionnisme, libre commerce. Je pense que c'est tout à fait illusoire. Je pense qu'il faut un peu des deux, comme du sucre et du sel, voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu prends part à ce combat ? Ben, j'en parle, je diffuse le mémoire que j'ai fait à ce sujet, et donc, mais pour le reste, j'ai juste un œil critique. J'ai l'impression que les choses sont en train d'évoluer, que les éléments politiques amène à y réfléchir, mais je ne peux pas organiser moi-même la maturation complète des idées. Mais qu'un certain nombre soit, ou de gens impliqués, soient conscients de cette situation impossible. Si tu pouvais créer un nouveau territoire, qui serait un territoire vierge, à quoi il ressemblerait ? Bon, un endroit aussi calme que possible, où il y a la sociabilité, où les gens se sentent bien, où ils peuvent se développer, épanouir leurs capacités, leurs aptitudes, leurs pensées et leurs aspirations. Voilà. Et partager ces aspirations. Qu'est-ce qui te fait peur ? Tous les systèmes extrêmes, donc de manière générale, un peu dans tous les sens, les simplifications, je pense que les choses sont souvent beaucoup plus complexes, et heureusement, ça permet de nuancer, de pouvoir réfléchir de manière plus approfondie, apporter des réponses nuancées. Est-ce que tu as un message pour le monde ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je m'appelle Valentine, j'ai 13 ans, je suis originaire de Belgique, voilà. Ok, alors est-ce que tu as un combat idéologique ? Lequel ? Et comment est-ce que tu prends part à ce combat ? Ben, Pour l'instant, j'en ai pas vraiment, mais à des moments, j'en ai beaucoup et je me fixe dessus. Par exemple, l'écologie, ça me préoccupe beaucoup, beaucoup. Malheureusement, en fait, pour faire l'écologie, du coup, moi, je jette mes papiers à la bonne poubelle et tout. Mais il faut aussi que ça vienne des parents parce que acheter beaucoup de choses dans des sachets ou autres, après les enfants peuvent pas vraiment faire quoi, à part mettre dans la bonne poubelle et c'est tout quoi. Ouais, il y a d'autres choses dans l'écologie qui te touchent. Bah, dans l'écologie, c'est la production aussi massive. C'est hyper touchant et tout, les conditions aussi des gens qui produisent les affaires. Par exemple, les batteries de téléphone. Maintenant, tout le monde en a quasiment, mais c'est des petits enfants en Afrique de 7 ans qui vont les chercher, quoi, dans des mines hyper dangereuses, sans bonne qualité, pas beaucoup payées et tout. Et ça me touche vraiment fort, quoi. Et contre ça, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? Prendre des téléphones en deuxième main, ça peut être bien parce que donc tu réutilises un téléphone déjà utilisé, donc tu le rachètes pas. Moi, le mien, c'est ça, quoi, c'est un téléphone deuxième main. Et aussi, il y a une marque de téléphone, j'ai oublié le nom, mais c'est vraiment hyper bien parce que en fait, tu peux changer toutes les pièces. Donc, tu l'achètes, il est déjà en deuxième main, il est comme neuf parce qu'il est rénové, pseudo. Et puis, s'il y a un problème, tu peux changer les pièces, donc c'est hyper bien, quoi. Alors, si tu pouvais créer un nouveau territoire, à quoi il ressemblerait? Ce serait un territoire beaucoup plus vert que le monde entier en fait. Juste, il y aurait beaucoup beaucoup de végétation. La nature, ce serait incroyable quoi. Il y aurait quasi que de la nature. Il y aurait pas beaucoup de personnes, pas de route. Pas beaucoup de personnes égale pas beaucoup de pollution quoi. Donc voilà, pas de voitures autorisées et les maisons écologique quoi, ou bien autonome comme on dit aujourd'hui, mais c'est pas vraiment autonome quoi, mais mettre des panneaux solaires déjà c'est mieux que de ne pas en mettre. Puis par exemple récupérer l'eau dans des seaux, dans des citernes, toutes ces choses-là quoi. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? L'écologie, enfin le monde qui va mal quoi, le réchauffement climatique. En fait, c'est tout un ensemble qui me fait peur parce que il y a des guerres à tous des endroits en fait. Pour l'instant, on se focus sur celle de la Russie et l'Ukraine, mais il y en a partout en vrai. Il y a aussi le réchauffement climatique qui fait disparaître plein d'espèces d'animaux et ça, c'est super grave. L'abattage des forêts par seconde, quoi. Et les arbres par milliers pour nous faire quoi? Un meuble IKEA. Vous en parlez ça à l'école ou entre vous, entre les enfants? Entre les enfants, en fait, notre prof de DM, je l'aime beaucoup d'ailleurs, en fait, on débat souvent sur justement le monde, en fait, en général. Et c'est vraiment super chouette parce qu'on parle de tout, de tout, de tout, quoi. En plus du cours de DM. Donc c'est chouette. Alors, quel est ton message pour le monde? Moi, je crois qu'on peut tous faire quelque chose, même si c'est petit, comme jeter les bons papiers aux bons endroits. Bien essayer de faire moins de déchets, ou bien prendre le métro à la place de la voiture. Mais on peut tous faire quelque chose, même si c'est petit, ce sera déjà ça de pris quoi. Alors bonjour, je m'appelle Thomas Van Skepdal, donc j'ai 37 ans, je suis belge, j'habite à Bruxelles. Je suis célibataire, je travaille comme éducateur dans une école, et voilà. Ok, alors est-ce que tu as un combat idéologique? Lequel? Un combat idéologique... Plusieurs? Plusieurs, en fait. J'ai des valeurs et j'essaye d'être cohérent par rapport à mes valeurs et d'essayer, en n'ayant pas de baguette magique et on réussit pas à convaincre les gens, mais j'essaye de faire vivre ces valeurs à travers les autres et essayer que les autres, qui ont parfois pas mes valeurs, les faire changer un peu d'avis, les faire réfléchir, et voilà. Est-ce que tu peux définir un peu ces valeurs dont tu parles ? Ces valeurs, il y en a plein, donc c'est des valeurs, je pense, de base pour vivre en... Enfin, moi, je pense que ça a dû aussi être de mon éducation, du fait que j'ai eu quand même une éducation assez chrétienne par des valeurs, et je pense que globalement, ces valeurs-là, elles sont le bel savoir, le vivre ensemble, la tolérance, toutes ces choses-là. Ben moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Le fait de enfin, c'est bêtement la gentillesse ou la bienveillance, on va dire ça comme ça. Mais je trouve que ça fait vraiment partie de la vie, et que malheureusement dans la société actuelle, ben on aime bien nous monter les uns contre les autres et essayer un peu de diviser tout le monde. Et donc voilà, j'essaye de faire le petit bout de chemin sans tomber dans des trucs comme ça. Donc toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce vivre ensemble? Enfin, est-ce que tu as des petites choses concrètes que tu fais, mais ou des grandes choses? Moi, ce qu'il y a, c'est que déjà, comme je travaille dans une école, je peux déjà faire vivre ces valeurs-là avec mon boulot, c'est déjà un peu ça, en fait. Je veux dire, moi, le fait de travailler avec des jeunes, des adolescents, et comme éducateur justement, ça m'amène tous les jours à avoir des discussions par rapport à ça. Et je fais pas partie d'associations, ou je suis pas comme ça, mais je vais essayer de, enfin voilà, c'est essayer de faire, de vivre. Enfin, on dit toujours qu'il faut commencer par changer soi-même avant d'avoir des grands projets. Donc, c'est d'abord moi, moi et mon entourage, mes proches, etc. Essayer d'être une, tout simplement une bonne personne, en fait. Mmh, ok. Si tu pouvais créer un nouveau territoire, un nouveau monde, à quoi il ressemblerait ? Ouf. Page blanche. Non, mais déjà, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau vraiment des gens qui le composent, ou plus au niveau du monde? Comment est-ce qu'il serait, tu vois? Parce que les gens qui le composeraient, ils seraient ouverts à tout le monde, et ça c'est la base. Mais à quoi est-ce qu'il ressemblerait? On essayait d'avoir un monde avec moins d'inégalités, je pense, parce que c'est surtout ça qui est quand même dingue, et plus d'un... Enfin, où tout le monde serait déjà intégré... Enfin, on essaierait d'intégrer tout le monde... Essayer d'avoir beaucoup moins de ce truc d'argent, de profit, de au centre de tout. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut vraiment changer. Et essayer d'avoir... d'avoir un système... parce qu'après, c'est vraiment compliqué, mais de sortir de ce truc de course à l'argent, profit... par exemple la nourriture, quoi, tu vois, ce serait impensable d'avoir des produits de merde trafiqués pour faire des produits, ça ce serait impensable. On reviendrait à bouffer des fruits normaux et de la nourriture normale, quoi. Et après il y a tellement de choses où il faudrait trouver un truc alternatif, que c'est trop, c'est super compliqué, mais il y aurait ça. Il y aurait aussi le fait d'avoir une gestion aussi plus où les gens peuvent plus eux-mêmes vraiment gérer leur vie, et pas passer par des gens qui pour qui on vote, qui au final on sait même pas où, enfin même les sujets auxquels ils travaillent, en fait on s'en fout. Je veux dire, en Belgique on est les pros pour faire des trucs sur Bruxelles, là, le Vilvoorde, bazar, mais au final on n'est pas la politique même, la manière de vivre ensemble, c'est pas... Essayer vraiment de trouver un truc comme ça qui pourrait mieux marcher, parce qu'ici, c'est,

et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, les punitions, la rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Chacun ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Et toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution. Arrache du peuple, arrache du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace. Et la rage est énorme. Je m'appelle Sacha Desfougères, j'ai 12 ans, je fais 1m62, 45 kilos et voilà. Ok. Alors est-ce que tu as un combat idéologique? Lequel? J'en ai pas. Tu comprends un peu la question? Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent particulièrement dans le monde? Ah oui, la pauvreté. Ok. Tu peux préciser un petit peu la pauvreté? Quand on voit quelqu'un assis dans la rue. Ouais. À Bruxelles ou en Belgique, ouais, c'est un peu... Ça te remue? Ouais, c'est un peu émouvant. Et comment est-ce que tu verrais qu'on puisse solutionner le problème? Ben, que tous les buildings à Bruxelles, les grands buildings, les bureaux qui ne sont pas utilisés, ben, on les mette dedans, on met les SDF dedans. Ouais, ok. Alors, si tu devais créer un nouveau territoire, un nouveau monde... À quoi il ressemblerait? Ce serait une planète comme ici, avec les montagnes, la mer, des grosses vagues, des bons spots de surf, des bons spots d'escalade, mais sans technologie. Sans technologie, tu veux dire quoi? Pas de téléphone, pas de trucs électroniques, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le vélo, par exemple, c'est une technologie aussi. Oui, mais moi, je parle de trucs électroniques. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qui te fait peur? Me faire peur? Ouais. Rien. Rien ne te fait peur? Non, pas spécial. Ah si, le noir. Oui. Oui, mais pas... Non, rien. Ok, cool. Est-ce que t'as un message pour le monde? Respecter le monde. Pas mettre ses déchets par terre, trier, et voilà. Ok. Et faire moins de pollution. Ouais. Ça te fait peur quand même un peu la pollution? Ouais, quand même. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Ça détruit le monde, quoi. C'est pas... Par exemple, je sais pas moi, quand tu vas, par exemple, la mer de déchets, c'est pas... Ouais. Continent de déchets, vraiment, c'est pas très bien. Enfin, c'est... Et t'en parles ça des fois avec des amis? Ouais, avec mes potes. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont d'accord avec moi. Ouais. Et vous imaginez parfois des idées ou des choses qu'on pourrait faire pour limiter ça, pour empêcher ça? On propose des choses, mais c'est pas... On va pas changer ça comme ça, quoi. Il y a tellement de déchets que... En plus, c'est au milieu de la mer, c'est pas... Ouais, après, ils arrivent, ils sont pas nés dans la mer, donc... Par exemple, quand on voit plein de déchets par terre à Louvain-la-Neuve, on prend du papier, on les ramasse et... On va le mettre à la poubelle. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Je m'appelle Candice, j'ai bientôt 45 ans, je suis maman de deux enfants et je travaille dans la grande distribution pour une boîte de bricolage. Ok. Alors, est-ce que tu as un combat idéologique? Lequel? C'est pas vraiment un combat, c'est plutôt une façon de voir la vie. Moi, je pense que l'amour, c'est le plus important, aimer en fait son prochain, respecter l'autre, être tolérant. Et le jour où les gens comprendront le pouvoir de l'amour, ben, ils auront tout compris. Ok, et toi, personnellement, comment tu prends part à ce combat? Ben déjà, j'essaye de profiter un maximum de tous les gens qui sont autour de moi. Et de donner aussi, enfin de redonner parfois sa place à l'humain dans certaines situations. Je travaille par exemple comme bénévole dans une association qui s'appelle Bratsu Bratsu, qui met en relation des personnes aînées, isolées, avec quelqu'un de leur quartier qui peut tisser du lien. Et je trouve que c'est important en fait de redonner aussi sa place aux personnes âgées dans notre société parce qu'on les oublie. Et que tout simplement, elles sont souvent seules en fin de vie. Et je ne vais pas dire désespérées, mais en tout cas isolées. Et qu'elles ont un peu perdu l'habitude d'être en relation avec d'autres gens. Donc elles ne sont plus dans un milieu professionnel, par exemple. Donc elles sont, elles n'ont peut-être plus que leurs enfants ou que leurs sœurs ou frères, s'ils existent encore. Et je trouve ça important, en fait, qu'elle puisse tisser du lien encore avec d'autres gens. Ça fonctionne bien, cette association? Oui, ça fonctionne assez bien. Elle est principalement basée dans quelques communes de Bruxelles, Anderlecht, Forêt, Uccle, Wavre, Rixensart, ici. Et ça fonctionne assez bien parce qu'en fait, ça met vraiment en relation des gens du quartier et une personne âgée qui est pas loin de chez toi, que tu peux aller visiter une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines en fonction de tes disponibilités. Et tu prends un petit café, tu fais une petite activité, une petite promenade, une petite expo. Et voilà, ça les sort de leur quotidien. Il y a beaucoup de jeunes qui... Eh ben, il y a pas mal de jeunes, oui. En fait, c'est assez rigolo. C'est que il y a vraiment de tous les âges dans les bénévoles. Autant des personnes qui sont assez âgées déjà que des jeunes étudiants qui se disent pourquoi pas, j'ai du temps, je redistribue ce temps-là en faisant plaisir à quelqu'un. Et c'est vraiment des relations d'amitié qui se créent parce que c'est vraiment des binômes. Donc on ne met pas n'importe qui avec n'importe qui. On essaye vraiment. Vous établissez des profils. Voilà, c'est ça, exactement. On essaye de trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes points communs. Et on les met ensemble pour vraiment créer une relation sur le long terme, en fait, avec ces personnes. Donc, c'est vraiment très chouette. Excellent. Si tu devais créer un nouveau territoire, un nouveau monde, à quoi il ressemblerait? Je pense que déjà, j'enlèverais toutes les frontières. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. On est juste citoyens du monde, on est tous pareils. On devrait avoir l'opportunité de pouvoir aller où bon nous semble. Sans visa, sans papier, ça devrait être permis d'aller n'importe où et de s'installer n'importe où et de vivre n'importe où, même dans le fond d'un bois si on en a envie, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément possible. Ouais, ok. Qu'est-ce qui te fait peur? La méchanceté, l'intolérance, la bêtise. En gros, c'est ça, c'est le côté humain qui n'est pas beau, en fait, finalement, qui est... la peur, en fait, c'est la peur qui me fait peur. Enfin, parce que je pense que c'est toujours la peur qui motive les actes négatifs. Enfin, tout ce qui, c'est vraiment ça qui m'angoisse, c'est de me dire que les gens sont merveilleux en dedans et que souvent par la peur, ils ont des comportements complètement inadéquats. Ouais. Voilà. Si t'avais un message pour le monde, ce serait quoi? Aimer, donner ce que vous voulez recevoir et profiter de chaque moment. Voilà. La citadelle, je veux devenir roi des Je viens d'un village. Je m'appelle Magali. Ok. Est-ce que tu as un combat idéologique et c'est lequel? La nature, la sauvagerie. Pour moi, ce monde n'est plus assez connecté à la sauvagerie. Le sauvage est le futur. La sauvagerie, ne pas avoir peur de ça, avoir confiance en ça, et le monde doit redevenir sauvage. Comment toi-même tu prends part à ce combat? Par rapport à ce que je viens de dire? Ouais. J'essaye toujours d'alerter les miens, les plus proches, et aussi pas les plus proches, mais sur ça, sur les ramener à être à l'écoute de ce qu'ils ne connaissent pas. Et pour ramener à la sauvagerie, c'est qu'ils sont effrayés parce que ça ne rentre pas dans les codes. Et je leur dis, ben, c'est le rapport aussi à l'altérité, à tout, l'altérité animale, l'altérité de végétale, l'altérité de humaine. Et à mon petit niveau, j'essaye toujours de ne pas être d'accord, de dire avec les gens que je connais bien ou même les gens que je ne connais pas, de leur dire ce que tu ne connais pas. Arrête de le broyer ou de le pulvériser, apprends à le connaître. Si tu pouvais, demain, créer un nouveau territoire, genre un nouveau monde, à quoi il ressemblerait? Des forêts, des rivières. Des forêts, des rivières et très très très peu de gens dedans, très peu d'humains. Des animaux. Quelques humains, beaucoup de silence, du silence, enfin, le silence de la forêt, le silence de la nature. Ce serait bien que tout le monde fasse un stage là-dedans, silence, tais-toi, écoute, enfin, les humains, écoute. Mais du silence en soi aussi, se taire, arrêter de parler de tout, se taire, accepter de se taire pendant une semaine, pas parler, se taire. Est-ce que tu peux me parler de ta plus grande peur? Ta peur de quoi? Quelle est ta peur? Moi, me concernant? Oui, enfin te concernant, concernant le monde, te concernant, enfin c'est à toi de répondre. Ce qui te fait peur, ce qui t'empêche de dormir? Bah, le monde dans lequel on est, bien sûr, il m'effraie, parce qu'il n'y a plus de connexion avec rien. Tout est pensé, mais sans connexion. Ça me fait super peur. Sans connexion première à l'autre. Et ce qui me fait peur, moi, me concernant, j'ai aucune peur. Moi. J'ai peur par rapport à des gens que j'aime, mais... Oui, j'ai peur du monde dans lequel on est, où on n'écoute pas, je reviens à la nature et tout ça, on n'écoute pas ça. Je reviens au silence, se taire, s'asseoir une semaine. Si tout le monde pouvait s'asseoir une semaine dans la forêt ou dans... Je sais pas, face à la mer ou dans une grotte, je pense que ça irait mieux. Alors si aujourd'hui tu devais adresser un message au monde, ce serait quoi? Quel est ton message pour le monde? Retirons-nous, taisons-nous, asseyons-nous. Oh, Jamais rien lâcher, allez, allez, allez, l'USG. On reste au bar, accroché à ce putain de comptoir, et on va continuer à boire, et on va chanter sans jamais rien lâcher, allez, allez, allez, l'USG.